Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 8, colonne 2. Naissance et décès. Naissance. En cette ville, le 16 septembre, l'épouse de M. James Brent, un fils. Décès. Le 17 septembre, est morte à Sherbrooke Louise Dufort, fille de M. Damien B. Dufort et épouse de M. John Cleary de notre ville. La défunte était aussi la belle-sœur de M. Joseph Blanchard, barbier. Depuis 18 mois, elle souffrait d'une maladie qui ne pardonne pas, la consomption. Elle était âgée de 32 ans et 7 mois et laisse pour déplorer sa perte son mari et 4 enfants. Ses funérailles ont eu lieu le 19 courant, au milieu d'un grand concours de parents et d'amis. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.